connais. Juste un petit texte comme ça pour raconter l'époque. Chaotique prod. 2008-2012. 2012-2012 en lyrique à l'éclipse. L'époque du squat. Toi tu connais Ab, c'est notre histoire. Tous ces soirs ouais, à rêver dans l'espoir d'y arriver. En écoutant la section et dériver sur Marley. S'imagine les pétés de monnaie à grandir dans la Hesse. Ok ça laisse des plaies, on n'était jamais en classe. On préférait déconner l'étiquette des profs. Ouais nous on les connaît. Peu après, ouais j'ai réalisé qu'il fallait travailler pour y arriver et ne jamais chavirer. Mais cette époque était belle, on jouait les rebelles, des frayeurs. On s'en est fait des belles. D'ailleurs à ce temps-là, on cherchait un label zinc. En écoutant de la zik, on a trouvé que le label 5. Oui, on goûtait à la weed pour penser à autre chose que nos chaînes de ivre. C'est vrai que parfois, on a fini ivre. Finir l'été, les verres à 8 piges, on avait déjà arrêté le cidre. Mais de ces souvenirs, il ne reste que descendre ces moments. C'est vrai pour les revivre, je ferai péter le billet de sang. On imite et 50 Cent, on n'est pas des frères de sang. Mais en écoutant Black Kent, on a gratté nos premiers sons. Je veux dire nos premiers vrais, avec des paroles recherchées pour des gens. On oublie le passé, c'est gravé dans nos mémoires tout ce qui s'est passé. Mais à force de fumer, on a les poumons terrassés. Avec le temps, nos cœurs sont devenus glacés. On a foncé tête baissée, mais on s'est arrêté par peur de nous écraser. Mais l'adolescence nous a baisés, on a rangé les fichiers dans un car plat, par peur de les égarer. À force d'être enfermé, on a fini par se barrer, par devenir taré. Le temps nous a tarot, on a cassé le carreau. Mais à force de gratter, ça vous genre le vieux paro, hein, c'est cool. À cette époque, c'est foot au terrain d'herbe, son sur feuille et cigarette à l'herbe. En pleine insomnie, j'écoute mes souvenirs quand on se posait dans le squat avec les potes et la mifia. Chicha, pomme, Philippe Maurice, le bon vieux temps, oui, comme décédé. Et nous, nos galères sont toujours aussi pourries. Bref, moi j'ai pas changé, c'est toujours Seco, mais je me suis rangé. Fini les conneries, le substitut me l'a dit, je veux pas finir en foyer. Mon vécu m'a trahi, l'époque où on se rejoignait chez Valti, qu'on avait même pas de thune pour un paquet de Garrett. Si cette galère là, nous on l'aimait bien. Mais bon, le temps est passé trop vite. Moi je kiffais m'enjailler sur un labien et rapper sur du Jackie. Mais bon, hey, tu sais que le temps passe vite. Tiens, c'est ce que je me dis quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je m'envoyais pas sur YouTube, ne se faisait pas sortir du squat. On rappait dans la chambre d'Edouard, posé à la batterie, se répondait moi.